toutes et à tous. Avant de parler de la prédication, je voudrais que nous pensions à ceux qui souffrent dans leur corps. On va prier pour ceux qui souffrent. Nous avons le frère Paul. Nous avons ce matin également Grâce. Elle n'est pas venue là parce qu'elle a un palu et sa maman l'a amenée. Elle est actuellement sous perfusion. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souffrent dans leur corps. Nous allons unir nos voix et nos cœurs pour prier pour ces personnes-là. Oui. Nancy aussi a des migraines. On va prier pour donc Paul, Nancy et puis Grâce. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui. Toi aussi. Oui. Ok. On va demander à ceux qui sont souffrants. Ceux qui ne sont pas souffrants, bon, eux n'ont qu'à se tenir debout. Ceux qui sont souffrants, ils sont à côté de vous. Donc, chacun peut toucher son voisin qui est malade. Et puis, on va prier par la voix de nous tous. Dieu va encore manifester sa grâce. Voilà. On va penser à Ebenezer aussi. Ebenezer qui aussi attend. Voilà. Donc, comme Nancy n'est pas là, c'est Bruce. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Bien. On peut prier. Nous joignons nos cœurs. La parole de Dieu nous dit, si un d'entre nous est malade, qu'on fasse quoi? Que les autres viennent et puis on va prier. Et j'ai foi que Dieu va étendre sa main. Prions ensemble. Père, tu es un Dieu souverain. Ta grâce est sans limite et en tout temps, nous ne doutons pas de ta puissance. Ce matin, nous venons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, pour éternel Dieu, respecter ce que tu nous as demandé de faire. Obéir à tes commandements. Nous venons à toi avec ses frères et ses sœurs souffrant dans leur corps. Toi, le médecin par excellence, nous t'invoquons ce matin, te demandant au nom de Jésus-Christ que ton esprit qui guérit touche maintenant et libère leur corps de tout esprit de maladie, de toute douleur, et leur donne la santé totale et parfaite. Car Dieu, tu es le véritable. Merci pour ce que tu as fait pour Paul. Merci pour ce que tu as fait pour Nancy. Merci pour ce que tu as fait pour Ami. Merci pour ce que tu as fait, éternel Dieu, pour Grâce. Merci pour ce que tu as fait pour tous qui sont souffrants, qui sont ici ou ailleurs. Car toi, le vrai Dieu, tu as manifesté ta grâce. Louange à toi, gloire à toi, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Que le nom de notre Dieu soit glorifié et que sa paix et sa santé parfaite couvrent le corps de nos bien-aimés. Nous avons l'assurance. Nous ne doutons pas. Il n'a pas changé. Il est le même Dieu. Les hommes peuvent dire beaucoup de choses, mais Dieu, lui, il est le Dieu pour lequel rien n'est impossible. Donc, nous disons merci à son nom. Ce matin, je voudrais que nous prions, et c'est ce que nous allons faire. Lorsque j'étais à Orodara, la FEME a envoyé un mot pour demander à ce que, vu la situation sécuritaire nationale difficile, il a demandé à ce que l'Église les soutienne dans la prière. Et la Fédération avait décidé que hier, qui était le 6, que toutes les églises puissent prier et jeûner, prier pour la situation en sécurité de notre pays. Comme nous avons aujourd'hui, qui est notre journée de jeûne, si je disais aux gens qu'on devait se retrouver, les uns et les autres étaient beaucoup occupés, n'est-ce pas? Moi-même, j'étais dans une formation qui a fini hier à 18h. Donc, j'ai dit, nous allons observer notre journée de jeûne et prière en ce jour. Et vu que nous sommes tous là pour la première partie, nous allons passer du temps dans la prière pour la nation. Et dans la deuxième partie, nous allons aller avec les autres sujets, car il y en a beaucoup. J'ai intitulé mon partage ce matin le devoir des chrétiens. En tant que chrétiens, nous avons des devoirs, n'est-ce pas? Et un de ces devoirs, c'est ce que l'apôtre Paul nous donne. Et nous allons lire dans 1 Timothée 2, nous allons lire les 4 premiers versets. 1 Timothée 2, les 4 premiers versets. Ali n'est pas là ce matin. Est-ce que quelqu'un en français courant? Quelqu'un là? 1 Timothée 2, verset 1 à 4. Si quelqu'un là, qu'il le lise pour nous. S'il n'y a pas français courant, vous précisez votre version. Oui? Instruction rejetée de la prière. En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu les demandes, les prières, les supplications, les remerciements de tous les êtres humains. Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà ce qui est bon. Agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à connaître la grâce de Dieu. Merci. En lisant ces 4 premiers versets de l'exhortation de l'apôtre Paul, bien sûr, la lettre est adressée à Timothée, mais au-delà de Timothée, c'est tous ceux qui, effectivement, sont d'accord, on dit qu'ils suivent Jésus. Et nous voyons qu'ils demandent à ce qu'on fasse un certain nombre de choses. Je suis un traducteur. En français, on a des mots différents. Mais lorsque vous allez dans nos langues, c'est assez compliqué de trouver tous ces mots différents. Parce qu'ils semblent être, ils semblent représenter les mêmes choses. Si quelqu'un a une Bible en Dula, s'il lit, vous allez voir qu'on ne fait qu'ajouter d'autres choses parce que c'est presque la même chose. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Vous voyez, ça semble être la même chose. Répétez, mais en français, on a des mots différents. Et une différence peut intervenir au niveau de l'intensité, de la durée ou autre, quand on fait toutes ces choses-là. Et il le dit de le faire pour tous les hommes. Vous voyez, si on dit tous les hommes, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on met de côté? Tout le monde est dedans. Mais Paul continue et il revient avec des particularités. Il dit de prier pour les rois, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans nos différents pays, nous n'avons souvent pas ces rois-là, à moins qu'on aille dans le domaine traditionnel. Ce sont nos chefs d'État et autres. Il dit de prier pour les rois. Ensuite, après eux, tous ceux qui sont élevés en dignité. Je crois que ça, il y en a. N'est-ce pas? Même si on ne cite pas ces gens-là, il y en a beaucoup. Tous ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui sont respectés. Un père de famille peut être quelqu'un élevé en dignité, n'est-ce pas? S'il se comporte bien, tout le monde le respecte, il est bien haut. Un chef de service peut l'être, n'est-ce pas? Vos professeurs et autres qui sont des grands docteurs, ils le sont. Donc, tous ceux qui sont élevés en dignité. Et il dit pour quelle raison? Et c'est ça qui doit être dans la tête des chrétiens, vous et moi, pour que nous puissions penser à cela. Il a dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Ça, c'est dans ma version. La raison pour laquelle nous devons prier pour tout ce monde, c'est pour que nous puissions mener une vie tranquille. Tout le monde sait ce que ça veut dire, une vie paisible et tranquille. Ce matin, nous nous sommes levés. C'est parce qu'il y a la tranquillité que nous avons pu faire le déplacement chacun de sa demeure vers ici, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de tranquillité, chacun allait rester chez lui à la maison. Ou bien, les Rosalie qui sont au foyer ici n'allaient voir personne venir. Ou bien, on allait envoyer un mot dit que, ah, vous-même vous voyez la situation, on ne peut pas venir. Bon, peut-être que le pasteur, même s'il venait seul, il allait se retrouver avec ces gens, ils vont dire, ah, pasteur, les autres ne sont pas venus parce que c'est dur. C'est parce qu'il y a la paix, il y a la tranquillité, que nous pouvons venir. Et il insiste, s'il y a la paix et la tranquillité, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons mener nos activités, qui sont ces activités que nous menons aujourd'hui. Par exemple, nous nous réunissons pour prier, pour louer notre Dieu, pour élever son nom, pour écouter encore ses sages conseils. S'il n'y a pas cela, ça va être difficile. Et par la suite, il nous précise, lorsqu'on fait cela, c'est bon et agréable devant Dieu. Tous, dans notre marche, nous voulons toujours être agréables à Dieu. Nous voulons que tout ce que nous faisons, et puis il dit ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais ce qu'il dit qui n'est pas bien, nous ne devons pas nous engager à faire cela. Voilà l'exhortation que Paul a donnée en écrivant à Timothée et il a encourager tout le monde à le faire. Et c'est pour cette raison que nous, en tant que chrétiens, nous sommes membres de ce pays, nous sommes de la cité. Si ça ne va pas, nous sommes influencés. Si ça ne va pas, vous n'irez pas à l'université. Si ça ne va pas, les uns et les autres n'iront pas au boulot. Même les cuisinières, ce n'est pas sûr qu'elles auront le courage d'aller au marché. S'il y a la paix, nous pouvons vaquer à nos occupations de façon tranquille. C'est pour cette raison, l'apôtre Paul demande de prier pour ces gens, pour qu'il y ait la paix et que nous puissions être tranquilles. Comment devons-nous prier pour ces gens? C'est vrai. Nous pouvons prier pour eux, mais si nous ne prions pas de la bonne manière pour eux, ce n'est pas sûr que nous aurons la paix. Il peut y avoir la paix, mais que nous nous soyons sous des difficultés. Pour ses dirigeants et dans la Bible, nous avons l'exemple de Salomon qui s'est trouvé devant une situation, jeune roi, il a regardé le peuple, il a regardé, il s'est dit, j'ai besoin d'une chose. Et quelle était cette chose-là? Pour pouvoir gérer ce monde-là. C'était quoi? Hein? La sagesse. L'intelligence et la sagesse. Parce que gérer un peuple... Si nombreux, il a dit. Bon, peut-être que son peuple n'était pas aussi nombreux qu'aujourd'hui notre nombre. Mais il avait besoin de sagesse. Et il a dit cela à Dieu. Il n'a pas cherché autre chose. Parce qu'il savait que s'il manque de sagesse, il ne pourra pas jouer son rôle de roi. S'il manque de sagesse, à l'époque, c'était eux les juges en même temps. Comment est-ce qu'il allait pouvoir juger? Ce n'était pas possible. Un juge qui ne juge pas correctement ne va pas pouvoir mener la paix. Si vous pensez qu'on vous a mal jugé ou qu'on a favorisé l'autre et vous avez raison, ça va amener des histoires. Et c'est sûr que votre famille va s'aligner derrière vous. C'est clair qu'il y aura le désordre. Salomon a demandé cela. Et c'est ce que nous allons demander à Dieu. Je voudrais que quelqu'un nous lise dans 1 Roi 3. On va lire quelques versets. 1 Roi le chapitre 3, à partir du verset 7. Si quelqu'un a trouvé, il précise sa version et puis il lit pour nous. 1 Roi 3, 7. Oui. C'est bon. Mm-hmm. Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Mm-hmm. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombreux à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Merci. Si vous lisez la suite, vous verrez que la requête de Salomon a plu à Dieu. Parce qu'il s'est rendu compte, ce monsieur, et il précise, tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé d'avoir un long règne, tu n'as pas demandé que je tue tes ennemis, tu as demandé de la sagesse. Et c'est ça qui est la qualité nécessaire par laquelle on peut gérer un peuple. Donc, Dieu étant content, il a ajouté tout ce que Salomon n'a pas demandé. Aujourd'hui, quand nous regardons à ce pays, nous voyons qu'il y a beaucoup de remous. Si ces gens n'ont pas de la sagesse, pour prendre des décisions convenables, il y aura toujours des problèmes. Ils ont déjà pris des décisions qui n'ont pas été assez sages et qui ont amené beaucoup de remous. Et aujourd'hui, tout le monde est mécontent. Je crois que la semaine, la rentrée n'a fait que commencer la semaine dernière, n'est-ce pas? Mais déjà, il y a des signes, des grèves. Pourquoi? Parce que pour des gens, il y a eu des choses qui ont été dites qui n'ont pas été respectées. Nous allons prier pour ces gouvernants. Nous allons demander à Dieu de leur donner cette sagesse, afin que chaque fois qu'ils prennent des décisions, que ce soit des décisions réellement sages, des décisions convenables, des décisions qui peuvent permettre aux uns et aux autres d'avoir des cœurs apaisés. Nous allons prier et on va se repartir en groupe. Je vais diviser cette rangée en deux. À partir de Charles jusque devant, ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe sera à partir de nos deux sœurs jusqu'au à Béatrice. Donc, premier groupe, Charles là, deuxième groupe là-bas. Et ici, je vais diviser à partir de Esther devant, vous êtes le troisième groupe, et le quatrième groupe Ataline jusque le dernier au fond là-bas à la fenêtre. Voilà ce que je vais demander et je vais donner à chaque groupe quelque chose. Je vais demander au premier groupe, vous allez prier, demander à Dieu cette sagesse-là. Parce que si cette sagesse n'est pas là, nous avons des problèmes. Vous allez prier pour le président, le premier ministre et tous les ministres. Demandez à Dieu la sagesse pour ces gens-là. Le deuxième groupe, vous allez prier pour l'Assemblée nationale, c'est-à-dire tous ces députés, et prier pour tous les secrétaires généraux et autres des ministères. Vous allez demander à Dieu de leur donner la sagesse. Le troisième groupe, je vais vous demander à vous de prier pour tous les responsables, qu'ils soient des responsables syndicaux, d'organisations, de la société civile ou de la société, des responsables religieux. Vous allez prier pour que Dieu leur donne la sagesse chaque fois qu'ils ont des décisions à prendre. Et le dernier groupe, les citoyens lambda ont besoin de sagesse aussi. Parce que même si celui qui est en haut est sage, s'il dit, il prend une décision, ceux qui doivent recevoir cette décision et aussi l'appliquer, s'ils ne sont pas sages, cela va poser des problèmes, n'est-ce pas? Donc vous allez prier pour toute la population. Demandez que Dieu donne la sagesse à chacun. Prions ensemble. Chaque groupe pour son sujet, prions. Père, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ta fidélité. Nous avons besoin de ton amour. Nous voulons, Seigneur, ce matin, te supplier encore. Oh Père, ces différents groupes qui ont été mentionnés au Burkina, nous te prions que, Seigneur, tu leur donnes ta sagesse. Donne-leur ta sagesse. Donne-leur, Seigneur, cette intelligence que Salomon a demandée. Soutiens-les, Seigneur. Fortifie-les. Donne-leur des cœurs intelligents, des cœurs prêts à comprendre, cherchant à savoir ce qui est bien, comme Salomon l'a dit. Seigneur, nous te demandons cela. Nous te supplions. Agis parce que tu es le vrai Dieu. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu vas encore faire. Car toi, tu es le vrai Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de toute bonté. Tu es celui qui agit et tu vas encore agir. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Te bénissons pour tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour vous montrer à quel point la sagesse est importante, si vous lisez dans 2 Rois au chapitre 6, en descendant, il y a du verset 21 au verset 23. C'est Syriens qui sont allés pour attraper Élisée. Et qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée a prié. Leurs yeux, ils ont été aveuglés. Et il les a conduits jusque chez le roi. Et il a appelé le roi. Et là, il a demandé à Dieu d'ouvrir leurs yeux. Leurs yeux étaient ouverts. Et il a demandé. Et qu'est-ce que le roi a dit? Le roi était prêt à les tuer. Il a dit frapperai-je mon père. Est-ce que vous croyez qu'il y avait de la sagesse? Lui, il appliquait les règles de la guerre. Et les règles de la guerre, tu as eu ton ennemi, qu'est-ce que tu fais de lui? Tu le tues. Mais l'ennemi peut aller se préparer après. Mais qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit non. Ça, c'est la sagesse. Il a dit de faire quoi? De leur donner à manger, à boire. Et puis de les laisser partir. Vous avez vu? Ça, c'est la sagesse. Et ça a brisé leurs bras. Ils sont rentrés chez eux. Et il est dit qu'ils ne sont plus revenus. Hein? On les a libérés. Ils vont aller dire quoi au roi? Ah! Il faut laisser ces gens-là tranquilles. Parce que nous, on a été aveuglés. On n'a rien vu. Est-ce que les gars-là ne sont pas plus forts que nous? Il ne faut même plus parler d'eux. Il faut les laisser tranquilles. Vous avez vu? Il pourrait dire, tuez-les. Mais il a dit non. La sagesse donne... C'est la paix qu'il voulait, n'est-ce pas? Qui veut rester dans la guerre tout le temps? Une personne. On veut la paix. Donc voilà la voie par laquelle le prophète a, de façon sage, conseillé le roi. Nous avons besoin de cela. Ce n'est pas toujours la violence qui répond à la violence qui donne la solution. Et c'est d'ailleurs ça ne fait qu'augmenter. Deuxièmement, il y a des domaines dans lesquels nous devons prier. Nous avons le domaine sécuritaire, n'est-ce pas? Chaque fois, quand vous êtes assis, ceux qui ont des parents militaires, qui portent des tenues, qui sont dans la tenue, quand on vous dit qu'ils sont allés à telle mission, vous n'êtes plus tranquille, n'est-ce pas? Avant, c'était corps à corps. Aujourd'hui, on met des trucs, ça saute et les gars meurent. Donc, on ne sait plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? La parole de Dieu nous dit... La solution n'est pas toujours dans les armes, n'est-ce pas? Est-ce que la solution est dans les armes toujours? Si la solution était dans les armes, il y a longtemps qu'on a beaucoup de solutions. La solution n'est pas là-bas. La vraie solution est avec qui? Est avec Dieu. Je voudrais que nous lisons quelques versets dans le psaume 91. Le psalmiste, lui, il a compris quelque chose. Psaume 91. Voici ce que le psalmiste dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Très-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Le psalmiste parle des ennemis visibles et de ceux qui sont invisibles. Invisible, il parle de la peste et de ses ravages. Ça, ce sont les maladies contagieuses, vous ne voyez pas venir, n'est-ce pas? Vous êtes en bonne santé, et puis bon, on dit qu'il y a une épidémie, qui est à l'abri? Personne. Ça, c'est invisible, mais c'est là. Visible, ça, ce sont ces agressions et autres, toute cette violence. Comment est-ce qu'on peut combattre toute cette violence-là? Si on ne s'appuie pas sur l'Éternel. Il n'y a pas d'autre solution. La parole de Dieu dit que si l'Éternel le veille, ceux qui veillent en en vain. Ils ont leurs armes, ils sont sur la guérite, ils ont tout. Ils peuvent avoir tous les instruments possibles pour voir. Mais ils vont veiller vainement. Parce qu'ils sont des humains, ils sont limités, ils ne peuvent pas tout voir. Mais celui qui voit tout, c'est qui? C'est l'Éternel. C'est lui qui peut permettre que les uns et les autres voient le danger venir et éviter le danger, s'en éloigner ou fuir, s'ils n'ont pas la force de pouvoir la contenir. Donc, je voudrais que nous pensions encore à notre pays sur cet aspect sécuritaire. Il y a ceux qui, jour et nuit, sont en train de veiller sur nous. Nous sommes en face d'un camp et tout le temps, vous les voyez, ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent sur l'air. Mais allez demander à ces gens-là. Ce sont des hommes comme vous et moi, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils connaissent tout? Est-ce qu'ils voient tout? C'est parce qu'ils se sont engagés. Sinon, chacun voudrait être à l'abri. Nous, on est des civils. On ne va jamais demander à Charles de partir veiller sur quelque chose quelque part. Ou bien Charles. Et puis Charles dort bien la nuit. Mais ces gens ne peuvent pas dormir la nuit. Ils sont obligés d'affronter le danger à tout moment. Je vais demander à la première rangée, le premier groupe, vous allez prier pour ces hommes et ces femmes qui sont dans la tenue et qui veillent sur nous. Demandez la protection de Dieu sur eux. Vous allez demander cela pour eux. Le deuxième groupe, je vais vous demander de prier pour les populations. Ces populations qui n'ont rien. Elles n'ont rien en main. Même si elles ont quelque chose, si on ne te montre pas comment on tire une arme, si tu n'as pas fait l'armée, qu'est-ce que tu peux faire? Mais ce sont ces populations qui sont agressées tout le temps. Le deuxième groupe va prier pour ces gens-là. Que la protection de Dieu soit sur ces populations. Parce qu'on les agresse. Ce qui se passe à l'Est, il suffit qu'on fasse quelque chose et puis les gars vont, ils tirent sur des pauvres populations, on rentre, on tire sur eux parce qu'ils ont leurs collègues qu'on a tués de l'autre côté. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, demandez à Dieu de protéger ces populations à main nue. Le troisième groupe, je vais vous demander que vous puissiez prier. Nous avons dit que c'est Dieu qui peut protéger. Que Dieu permette que tout plan qui a été tissé pour pouvoir faire commettre ces violences-là, que Dieu les révèle, que rien ne soit caché. Au moins, si les gens voient tout ce qui est devant eux, ils vont éviter. Donc, vous allez prier pour que tout ce qui est plan, machiavélique, préparé, que cela soit révélé. Et le dernier groupe, vous allez prier pour que Dieu change le cœur de ces gens qui sont endurcis. Humainement, nous allons dire, si ce n'est pas les détruits, il n'y a pas une autre solution, n'est-ce pas? Dieu a une solution. Dieu peut transformer le cœur le plus dur. Le cœur, le mauvais cœur, il peut le transformer et en faire un cœur plein de miséricorde. Et c'est ça qui peut être la solution. Si leur cœur est transformé, ce qu'ils font, ils vont abandonner. Ce sont des créatures de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas cela? Si vous regardez la justice de Dieu, Dieu n'est pas content que vous l'attrapez pour vous le tuer. Non. Sa justice, c'est un être humain. C'est lui qui l'a créé. Il voudrait que, lui aussi, nous avons lu, il veut que tous connaissent la vérité, qu'ils viennent à la vérité, n'est-ce pas? Vous allez prier pour eux. Dieu peut les toucher. Dieu peut les transformer. Permettre qu'ils changent. Dieu peut le faire. Les hommes ne peuvent pas, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Donc, vous allez prier. Prions ensemble. Père, nous te bénissons encore. Nous te louons pour ta grâce. Nous t'élevons. Nous te magnifions, Seigneur. Oui, pour tout ce que nous avons dans ce pays, tout ce que nous voyons, toutes ces violences, tu es le seul qui peut encore étendre ta main. Tu es le seul qui peut diriger. Tu es le seul qui peut soulager. Tu es le seul qui peut protéger ces hommes en tenue qui veillent sur nous. Tu es le seul qui peut protéger ces populations qui sont innocentes, qui n'ont rien. Oh, amen. Tu es le seul qui peut, oui, éternel Dieu, mettre à nu tous les plans que l'ennemi a tissés. Tu es le seul également qui peut même transformer le cœur de ses ennemis. Tu le sais, Seigneur. Oui, ce que tu as fait aux Syriens qui ont été nourris ô Seigneur, qui sont rentrés chez eux. Tu as transformé, ô Seigneur, leurs pensées. Merci, Seigneur, de ce que tu vas le faire. Merci de ce que tu vas le faire. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Reçois la louange et la gloire. Merci pour cela, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous revenons encore. Il a dit, j'ai dit, on a les ennemis visibles. Les ennemis invisibles, ça sont les maladies. Ça vient, vous ne voyez pas. Nous sommes chez nous, et puis le moustique vous pique, vous avez le palud. Vous ne voyez pas. Bon, on vous dit, c'est Ebola, on ne voit pas. Eux, à leur époque, ils parlaient de peste. Ce sont des choses, tout ce qui est contagieux. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut donner des mesures, mais les mesures ne marchent pas. Les mesures ne peuvent pas nous sauver. Donc, je vais demander au groupe 1 et 2, où vous allez prier, parce que nous sommes à un temps où le paludisme fait beaucoup de ravages. Ma fille Rachel est à Tougan, et quand elle appelle, deux fois elle m'appelle, même quelle que soit l'heure de la nuit, elle dit, papa, moi je suis fatigué, je vais rentrer à Ouaga. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, je suis très fatigué. Moi-même, je souffre, tout mon corps fait mal, parce que nous ne sommes que deux, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de malades. Je lui dis non, je vais prier pour toi. C'est ton devoir aussi, c'est un ministère, vas-y. Vous voyez, ceux qui sont ici, ils sont découragés, et ils vont abandonner. Et c'est la vérité, c'est plein, plein, plein, plein. Et aller dans les hôpitaux, ce matin, Rebecca est partie, ils ont dit il n'y a pas de lit, amenez une natte, on a envoyé une natte. Donc vous allez prier pour demander à Dieu de tendre sa main. Il peut donner la sagesse aux gens d'appliquer les règles qu'on demande. Mais ce n'est pas ça qui est tout. C'est Dieu qui peut protéger les gens contre ce palu qui fait beaucoup de ravages. Vous allez prier pour toutes les autres épidémies qu'on ne cite pas. Ceux qui connaissent Ebola savent que ça peut quitter d'un continent à un autre, n'est-ce pas? Ça peut quitter d'un pays à un autre. Quelqu'un vient avec et puis vous avez pris. Bon, il y a plein de maladies, plein d'épidémies. C'est quand ça se déclenche qu'on dit c'est là. Mais les voies par lesquelles ça vient, nous ne savons pas. Vous allez prier pour demander à Dieu de protéger le Burkina contre toute épidémie. Vous allez prier pour ça. Prions. Père, nous te bénissons encore ce matin. Nous voulons être reconnaissants. Nous te bénissons et nous te louons. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es celui aussi qui prend soin de nous. Tout ce qui est invisible, toi tu connais. Nous voulons te demander que toutes ces maladies, le palu, l'éternel Dieu, les autres épidémies comme la méningite, Ebola et autres, Père, que tu protèges ce pays contre tout cela. Étends ta main, agis dans la vie des hommes et des femmes. Manifeste encore ta puissance. Couvre les Seigneurs par ton sang, Seigneur Jésus, afin que l'éternel Dieu soit à l'abri de toutes ces difficultés. Tu es notre Dieu. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Qu'est-ce qu'une population malade peut faire comme travail? Ô Seigneur, agis. Interviens maintenant. Manifeste ta grâce parce que toi, tu es le vrai Dieu. Tu es celui qui peut tout. Te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons un autre domaine qui est assez important, qui est le domaine alimentaire. Nous sommes à la fin de la saison. Et la vérité est que dans beaucoup de régions, on dit, il y a eu suffisamment de pluie. Il y a certaines régions où les gens attendent ne serait-ce qu'une seule pluie pour que ça s'arrange. Mais il y a des régions aussi où il y a eu un excès. Nous étions à Orodara pendant la formation et nos frères de Diguera, ils nous ont témoigné que tout leur riz a été inondé. Et ils nous ont expliqué, lorsque le riz est inondé, si les tiges sont au-dessus de l'eau, ça peut tenir. Mais si c'est couvert, c'est fini. Et ils ont dit, ils ont perdu tout leur riz, leurs bananes. Et ils ont même dit, à Banzon, on se demande cette année s'il y aura du riz. Parce que le barrage de Samandini qui a été construit, la manière dont on attendait l'eau, en fait, l'eau a débordé et ça a inondé toute la plaine de Banzan. Donc, les gens n'auront pas de riz parce que tout va pourrir. Dans le Sourou, ceux qui sont dans les des bas-fonds, ils n'auront rien. On a fait la vérification avec mon voisin. Il m'a dit que ça fait 2 mois, lui, son voisin de maison, ne part même pas au champ. Parce que l'eau est venue, ça a tout pris. Et c'est de loin, il regarde, il voit son mille, il ne peut rien dire. Donc, il a décidé, il sait qu'il n'aura rien. Bon, ça fait des problèmes. Donc, il y a ce côté alimentaire qui, si déjà en hivernage, actuellement, au moment où on doit avoir des récoltes, vous n'avez rien récolté, bon, imaginez jusqu'à la saison prochaine. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas un problème. C'est de vrais problèmes. Donc, je voudrais que vous, ici, vous priez, les deux groupes, vous priez pour demander, pour dire merci à Dieu pour la pluie qui est venue. Il y a beaucoup de régions qui auront à manger. Vous allez remercier Dieu. On a souvent prié, demandé à Dieu qu'il envoie la pluie. Vous allez remercier Dieu pour cela. Cette rangée, vous allez prier pour ceux qui sont en difficulté. Ces régions où il y a l'inondation. Dieu est celui qui pourvoit. Dans sa parole, il dit au psaume 34, les versets 10 et 11. Voilà ce qui est dit. Psaume 34, versets 10 et 11. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Si le Dieu qui pourvoit, il a suffisamment de miséricorde dans son cœur pour prendre soin de ceux qui n'ont rien eu à cause des inondations. Donc, vous allez prier pour demander à Dieu de pourvoir et même de pourvoir afin que même lorsqu'on va dire qu'on distribue, que ça soit bien fait. Vous voyez les, comment on appelle ces petits magasins là? C'est quoi? Sonagesse. On a mis ça pour aider les gens, non? Mais quand vous allez vous approcher, voir, est-ce que c'est la vérité? Bon, vous voyez, ceux qui devaient avoir ne peuvent pas avoir. Parce que moi, j'ai beaucoup d'argent. J'attrape un certain nombre de gens, je leur donne et puis ils vont prendre et puis ils vident dans mon magasin et puis je monte le prix. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, si ce n'est pas la grâce de Dieu encore, même tout ce qu'on va mettre sur place comme stratégie, ça ne va pas marcher. Vous allez prier pour demander à Dieu. Il connaît tout ce qui peut être fait pour que ceux qui sont dans les situations difficiles, qu'ils aient quelque chose à manger. Vous allez prier pour cela. Prions ensemble. Père, nous te bénissons ce matin. Oui, tu es le vrai Dieu. Tu es celui qui agit. Et Père, nous te disons merci pour ce que tu as déjà fait pendant cet hivernage. Nous avons prié. Tu as permis qu'il y ait de la pluie en abondance. Et même en surabondance. Oh, les lieux où il y a eu de l'abondance, nous voulons te dire merci. Merci infiniment. Donne encore la santé à ces braves populations afin qu'elles puissent récolter dans la sécurité. Père, nous voulons te dire merci pour cela. Nous venons à toi aussi, Seigneur, pour te confier les zones qui ont été inondées. Oui, Seigneur, ces familles qui n'auront rien, qui ne pourront rien récolter. Père, ce sont tes créatures. Tu les connais. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de provision. Oui, nous l'avons lu. Toi, tu as dit, les lionceaux éprouvent la disette. Mais ceux qui se confient en toi, tu leur donnes toutes sortes de biens. Nous prions que, Seigneur, tu interviennes pour les aider, pour soutenir ces populations, pour, éternel Dieu, qu'ils aient, éternel Dieu, oui, les aliments nécessaires, tout au long de l'année. Nous te bénissons. Nous te louons pour cela. Nous t'exaltons parce que tu es le vrai Dieu. Merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le dernier sujet pour lequel je voudrais que nous prions, c'est maintenant l'Église elle-même. J'ai dit, en tant qu'Église, nous avons des devoirs. Et un des devoirs de l'Église, c'est ça. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il a dit quoi? Priez sans cesse. Comment est-ce qu'on peut prier sans cesse? Dans une atmosphère de beaucoup d'activités, de lourdeurs qui nous empêchent de prier, de toutes sortes de choses qui sont comme un blocage pour nous empêcher de prier. Et ça, c'est une tendance générale. Quand on dit aux chrétiens, prière, vous allez voir que des gens. Parce que les gens sont assez occupés. Mais si on ne prie pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est compliqué, n'est-ce pas? C'est pas cela? Même à la maison, c'est combien de minutes que vous prenez pour prier? C'est rapidement en haut, en haut. Oh Seigneur, soutiens-moi. Et puis bon, on est parti. Amen. Mais amen, là, mais peut-être on le dit en montant sur ça. En prenant sa monture. Hein? C'est pas cela? Mais moi, je vous pose la question. Si on vient vous demander, vous supplier pour quelque chose avec rapidité comme ça, est-ce que vous serez content? Hein? Vous réveillez quelqu'un, donne-moi la clé, donne-moi la clé. Il va se fâcher. Il va pas se fâcher? Jean, tu ne vas pas te fâcher? Hein? Quelqu'un rentre de matin là, tu sais où est? Jean, la clé. Dieu, mais c'est quoi ça? C'est pas comme ça on fait. Et c'est ce que nous faisons à Dieu. Dans nos prières rapides, réfléchissez un peu à ça. Donc, je voudrais qu'on prie pour l'Église. Chacun de nous-mêmes. Je voudrais que nous prions pour que Dieu nous donne de persévérer dans la prière. Ça, c'est un point. Deuxièmement, donc, le premier groupe, vous allez prier pour que Dieu aide l'Église, nous qui sommes chrétiens, de persévérer dans la prière. Le deuxième groupe, je vais vous demander de prier pour que Dieu donne à l'Église de demeurer régulière dans la prière. Parce qu'on peut persévérer et puis s'arrêter. Or, ce n'est pas ce qu'on demande. Il a dit sans cesse. Sans cesse, ça veut dire qu'on continue à tout moment, n'est-ce pas? Ok, vous allez prier pour ça. Le troisième groupe, je vais vous demander de prier pour que Dieu délivre les chrétiens de tout ce qui est lourdeur, tout ce qui les empêche de prier. Que Dieu les libère de cela. Et le dernier groupe, vous allez prier pour que Dieu nous donne le discernement, qu'on voit les sujets pour lesquels on doit prier. Parce qu'on ne doit pas prier pour prier. Il faut avoir le discernement. Si vous avez un fusil et puis il y a un oiseau dans l'arbre, même si ce sont des trucs à... Les quoi, les balles avec beaucoup de plomb. Bon, on ne tire pas comme ça au hasard. Si vous tirez, vous risquez de ne rien avoir. N'est-ce pas? On vise quand même l'oiseau. Donc dans la prière, on n'a pas besoin de prier comme ça. Non. Il y a des objectifs qu'on vise. Donc vous allez demander à Dieu cela. Prions ensemble. Père, nous te bénissons. Nous te louons, nous te rendons toute la gloire. Oui Seigneur, cette église que nous sommes, nous voulons encore que tu nous aides à demeurer persévérante dans la prière, à le faire avec diligence et régularité, à prier Seigneur, oui, en ayant à l'esprit des objectifs, à prier Seigneur et à ne pas être, éternel Dieu, alourdi ou détourné par tout ce qui, éternel Dieu, nous amène dans le décor. Nous te prions pour cela. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton secours pour pouvoir demeurer dans la prière et régulièrement dans la prière. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Père, merci. Car tu es Dieu. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Amen. Ensemble, nous remercions Dieu pour tous ces sujets que nous avons fait monter vers lui pour la nation. Nous avons l'assurance qu'il a répondu. Prions ensemble. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons toute la gloire, toute l'honneur. Nous te rendons, ô éternel Dieu, l'honneur parce que tu as écouté, tu nous as entendus et ta parole dit que si nous demandons quelque chose, tu vas nous répondre. Et nous te disons merci. Parce que nous savons que, Seigneur, tu as répondu. Merci pour ta grâce. Merci encore pour dans ta fidélité. Et merci pour la protection que tu vas apporter encore à ce pays. Merci de ce que tu vas toucher les cœurs. Permettre que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Père, merci pour la paix. Et merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyons bénis et demeurons dans la grâce du Seigneur. Je vais vous demander de continuer à la maison à prier pour cette nation-là. S'il y a la paix, nous sommes tous en paix. S'il n'y a pas de paix, nous n'aurons pas de paix. Et l'apôtre Paul savait cela. Donc, ne cessez pas de prier. C'est vrai, les nouvelles sont souvent alarmantes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si l'on dit, Seigneur, toi-même, tu sais. Et demander à Dieu d'agir. Que son nom soit glorifié.